Bonjour, nous sommes donc en direct aujourd'hui, ce dimanche 3 décembre, donc en direct du studio 106 et en public, donc pour poursuivre cette journée d'hommage à Corneille qui a commencé tout à l'heure avec les Papous et avec une émission tout à fait facétieuse qui insistait sur la comédie de Corneille et sur son humour. Alors pour présenter cet après-midi tout à fait particulière, puisque c'est un enregistrement en public de La Place Royale, une pièce qui avait été mise en scène par Brigitte Jacques en 1992 et qu'elle reprend ici avec une réalisation de Jean Couturier, avec une grande partie des acteurs qui avaient donc participé à cette création en 1992. Donc je suis ici en public et en direct avec Brigitte Jacques pour vous présenter cet après-midi et cette pièce, La Place Royale, qui est aussi une comédie. Donc nous poursuivons comme ça cette journée Corneille dans l'esprit et dans l'humour et dans le plaisir surtout, j'espère. Donc Brigitte Jacques, vous aviez créé cette pièce en 1992. Et je dois dire que Corneille, quand on regarde comme ça votre parcours de théâtre, c'est un auteur qui revient souvent. Oui, j'ai monté beaucoup de pièces de Corneille. Il est vrai que la rencontre avec la Place Royale a été déterminante et même stupéfiante. Je ne savais pas, je ne connaissais pas du tout les comédies de Corneille. Et j'ai lu c'est les premières pièces qu'il a montées, enfin qu'il a plutôt écrites. Et donc, tombant sur la Place Royale, j'ai été frappée par l'extraordinaire modernité, au fond, et liberté de cet auteur. Et c'est la dernière pièce d'un corpus de comédie qu'il a fait. C'est une pièce dans laquelle il y a une sorte de mélancolie, d'amertume, d'adieu à la jeunesse, enfin, qui m'a toujours frappée et donc qui finit mal, ce qui n'arrive jamais, enfin normalement dans une comédie, ça finit toujours par un mariage, quelque chose, se réconcilier. Là, il y a vraiment une fracture et c'est le début aussi pour Corneille de commencer une carrière de tragédien, pour le coup. Il reviendra un peu à la comédie avec Le Menteur et la suite du Menteur, mais La Place Royale reste une pièce formidable. Donc c'est la première fois en plus dans cette pièce qu'on voit des jeunes gens sans parents, sans duègne. Il y a des allusions aux parents, mais ils sont seuls ensemble et il y a énormément d'amour. Ils se rencontrent dans la Place Royale, qui est la Place des Vosges à l'époque, et qui n'était même pas terminée, qui était en même temps un lieu, on pourrait dire branché, un lieu de rencontre de la jeunesse. Et quand moi je l'ai monté, j'ai imaginé que la pièce se passerait dans une sorte de café où tout le monde se rencontrerait, où des choses à la fois très, très personnelles, très intimes pouvaient se dire malgré tout dans les cafés, comme encore aujourd'hui, quand la jeunesse se rencontre, elle se rencontre souvent encore dans les cafés. Là, vous avez dû oublier, de certaine manière, la mise en scène en travaillant avec Jean Couturier et puis les acteurs pour imaginer un Corneille qui est tout entier dédié à la langue et à l'oreille. Non, pas tout à fait tout entier, puisqu'en même temps, on a retrouvant les comédiens qui, heureusement, étaient libres pour la plupart, on retrouvait en même temps les effets de la mise en scène, le souvenir, puisqu'on avait beaucoup tourné, on avait fait aussi un film avec Benoît Jacquot. Et ça a été l'occasion, avec Jean Couturier, qui était très amusé de nous voir, nous retrouver avec tant de plaisir, tant de bonheur, de retrouver des petits moments de mise en scène, mais pas véritablement, parce qu'en même temps, en effet, on travaille vraiment pour le micro, on joue avec le micro. Quand vous dites que c'est une, j'ai lu ça, une comédie douce amère, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui joue comme ça sur... Comme vous allez le voir, c'est-à-dire il y a à un moment donné une histoire d'amour très très très étrange, très compliquée. En particulier, le héros principal ne supporte pas l'amour et donc décide avec une violence inouïe de se séparer de la femme qu'il aime. Et donc il y a un certain nombre de péripéties qui vont le conduire finalement, qui les conduire tous les deux à une séparation absolue. Et c'est très étrange, comme ça, de voir cette sorte de tracé tragique à l'intérieur d'une pièce qui est pleine de apparemment, de marivaudage, de badinage, de péripéties drôlatiques, mais qui en fait touche à la question et à une grande réflexion sur ce que c'est que l'amour, ce que c'est que le rapport des garçons et des filles, vraiment. C'est cela le dilemme cornélien ? Non, en général, ce qu'on appelle dilemme cornélien, c'est entre l'amour et le devoir. Là, il n'y a justement pas du tout, il y a essentiellement de l'amour et il y a une recherche chez le héros d'un quant à soi, enfin, d'une sorte d'exercice de la liberté, de la volonté que l'amour lui ôte. Il lui semble être totalement dépendant de son désir et de cette jeune femme. Et il le dit très très clairement et il veut s'arracher à cette dépendance. C'est très intéressant parce que c'est une vraie question. On a l'impression que c'est une pièce très autobiographique en fait. On a l'impression que Corneille, quelque part, qui a toujours dans toute son œuvre mis apparemment l'amour au deuxième plan, commence là. Véritablement. Et en même temps, il y a un jeu, c'est-à-dire il y a un plaisir du jeu, c'est que l'amour interdirait, comme si l'amour était comme ça une entrée dans un seul moment, une seule sensation, alors que lui voudrait vivre toutes sortes de sensations, et pas seulement avoir un nombre incalculable de maîtresses, c'est pas tellement ça, c'est simplement de pouvoir ou s'ouvrir la vie autrement. Mais plus tard, je pense par exemple à la dernière pièce de Corneille que j'aime infiniment, qui s'appelle Suréna. Là, en revanche, le héros se mettra absolument au service de l'amour, qui va le conduire à la mort, parce qu'on est dans une tragédie. Mais d'une certaine manière, il aura fallu presque tout passer à travers, toute une vie pour Corneille, toute une vie aussi de théâtre, pour revenir à la valeur de l'amour et la mettre au premier plan. Là, on retrouvera justement Corneille en 2007, puisque nous nous voulions ne pas oublier, parmi tous les anniversaires, cet anniversaire Corneille, puisqu'il est né en 1606 à Rouen. Et donc, nous voulions quand même enregistrer et présenter une pièce de Corneille en 2006. Mais France Culture proposera donc en février un ensemble de 4 pièces de Corneille dans les cycles du dimanche. Et vous avez choisi justement de... Enfin, on vous a proposé et vous avez bien voulu revenir à la radio l'année prochaine pour Suréna, justement. Oui, pour Suréna, qui est quand même un chef-d'œuvre absolu, enfin une pure merveille, donc qu'on va faire pour le mois de février. Et en même temps, pour aussi les entretiens avec Pierre Corneille, qui est un texte que nous avons fabriqué, Jacqueline Lichtenstein et moi-même, à partir des discours sur le théâtre, des théories sur le théâtre de Corneille. Ce sont des théories qui sont entièrement nées de sa pratique pendant 30 ans, dit-il. Et on a essayé de dresser, donc, Jacqueline Lichtenstein et moi-même, un portrait de l'artiste à travers ses propres écrits. Donc c'est une sorte de montage où il parle aussi bien de l'efficience du théâtre, du suspense, du plaisir en particulier. Il le met vraiment, le plaisir du théâtre, il le met vraiment au premier plan. Et on découvre un esprit extraordinairement libre, ce qu'on n'entend pas beaucoup dans les écoles à propos de Corneille. Corneille est toujours utilisé comme une sorte de monument un peu effrayant, alors qu'en fait, c'est vraiment un esprit extrêmement audacieux et libre. Et en même temps, même politiquement, il a des positionnements très, très intéressants. Il y a rien d'un moraliste, par exemple, chez lui. On en fait souvent une sorte, enfin, au moins un moralisateur, enfin, on pourrait dire. Il me fait beaucoup penser, le rapport qu'il entretient même avec la pensée sur le théâtre me fait beaucoup penser à Brecht, à la fois qui produisait à la fois de la théorie et de la pratique. Et donc voilà, je suis ravie de pouvoir reprendre ces entretiens, en plus avec apparemment les mêmes comédiens avec lesquels j'avais travaillé, avec François Regnault et Emmanuel de Marcimota. Donc en attendant de retrouver Corneille à nouveau en 2007, je vous propose que nous écoutions maintenant La Place Royale, donc dans une lecture dirigée par Brigitte Jacques, réalisée par Jean Couturier, avec Anne Consigny pour Angélique, Marie-Armelle de Guy pour Phyllis, Laurent Charpentier d'Horaste, Éric Genovese Cléandre, Philippe de Marle Alidor, Bertrand Suarez Passos Polymas, Éric Petitjean Lysis, Pascal Bécard Licante, et puis la musique de Marc-Olivier Dupin et le bruitage de Sophie Bissens. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. A beaucoup de mérite, mais souffre qu'envers lui cet éloge m'acquitte et ne m'entretient plus des feux qu'il a pour moi. C'est me vouloir prescrire une trop dure loi. Puis-je, sans étouffer la voix de la nature, dénier mon secours aux tourments qu'il endure? Quoi, tu m'aimes, il meurt et tu peux le guérir, et sans t'importuner, je le verrai périr? Ne me diras-tu point que j'ai tort de le plaindre? Le mal est bien léger d'un feu qu'on peut éteindre. Je sais qu'il le devrait. Mais avec tant d'appât, le moyen qu'il te voit et ne t'adore pas. Ses yeux ne souffrent point que son cœur soit de glace. Aussi ne pourrait-on m'y résoudre en sa place. Et tes regards, sur moi, plus forts que tes mépris, te sauraient conserver ce que tu m'aurais pris. S'il vit dans une humeur tellement obstinée, je puis bien m'empêcher d'en être importunée. Feindre un peu de migraine ou me faire seuler, c'est un moyen bien court de ne lui plus parler. Mais ce qui me déplaît et qui me désespère, c'est de perdre la sœur pour éviter le frère. Rompre notre commerce et fuir ton entretien, puisque te voir encore, c'est m'exposer au sien. Du moins, s'il faut quitter cette douce pratique, ne mets point en oubli l'amitié d'Angélique et crois que ses effets auront leur premier cours aussitôt que ton frère aura d'autres amours. Tu vis d'un air étrange et presque insupportable. Que toi-même, pourtant, trouverais équitable, mais la raison sur toi ne saurait l'emporter. Dans l'intérêt d'un frère, on ne peut l'écouter. Et par quelle raison négliger son martyre? Vois-tu, j'aime Alidor. Et cela, c'est tout dire. Le reste des mortels pourraient m'offrir leurs vœux. Je suis aveugle, sourde, insensible pour eux. La pitié de leurs mots ne peut toucher mon âme que par des sentiments dérobés à ma flamme. On ne doit point avoir des amants par quartier. Alidor a mon cœur et l'aura tout entier. En aimer deux, c'est être à tous deux infidèle. Qu'Alidor seul te rende à tout autre cruel, c'est avoir pour le reste un cœur trop endurci. Pour aimer comme il faut aimer ainsi. Dans l'obstination où je te vois réduite, j'admire ton amour et ris de ta conduite. Fasse pas qui voudra de ta fidélité, je ne me pique point de cette vanité. On a peu de plaisir quand un seul les fait naître. Au lieu d'un serviteur, c'est accepter un maître. Quand on n'en souffre qu'un, qu'on ne pense qu'à lui, tous autres entretiens nous donnent de l'ennui. Il nous faut de tout point vivre à sa fantaisie, souffrir de son humeur, craindre sa jalousie. Et de peur que le temps n'emporte ses ferveurs, le combler chaque jour de nouvelles faveurs. Notre âme, s'il s'éloigne, est chagrine, abattue. Sa mort nous désespère et son change nous tue. Et de quelque douceur que nos feux soient suivis, on dispose de nous sans prendre notre avis. C'est rarement qu'un père à nos goûts s'accommode. Et lors, juge quels fruits on a de ta méthode. Pour moi, j'aime un chacun, et sans rien négliger, le premier qui m'en compte a de quoi m'engager. Ainsi tout contribue à ma bonne fortune, tout le monde me plaît et rien ne m'importune. 2000 que je rends l'un de l'autre jaloux, mon cœur n'est à pas un et se promet à tous. Pas un d'eux ne me traite avec tyrannie, et mon humeur égale à mon gré les manies. Je ne fais à pas un tenir lieu de mignon, et c'est à qui l'aura dessus son compagnon. Ainsi, tous à l'envi s'efforcent à me plaire. Tous vivent d'espérance et briguent leur salaire. L'éloignement d'aucun ne saurait m'affliger, mille encore au présent m'empêchent d'y songer. Je n'en crains point la mort, je n'en crains point le change. Un monde m'en console aussitôt ou m'en venge. Le moyen que de tant est de si différent, quelqu'un n'est assez d'heure pour plaire à mes parents. Et si leur choix fantasque un inconnu m'allie, ne crois pas que pourtant j'entre en mélancolie. Il aura quelques traits de temps que je chéris, et je puis avec joie accepter tout mari. Voilà fort plaisamment tailler cette matière et donner à ta langue une longue carrière. Ce grand flux de raisons dont tu viens m'attaquer est bon à faire rire et non à pratiquer. Simple, tu ne sais pas ce que c'est que tu blâmes et ce qu'a de douceur l'union de deux âmes. Tu n'éprouvas jamais de quel contentement se nourrissent les feux des fidèles amants. Qui peut en avoir mille en est plus estimé, mais qui les aime tous de pas un n'est aimé. Elles voient leur amour soudain se dissiper. Qui veut tout retenir, laisse tout échapper. Défais-toi de tes fausses maximes. Ou, si ces vieux abus te semblent légitimes, si le seul Alidore te plaît dessous les cieux, conserve-lui ton cœur, mais partage tes yeux. De mon frère, par là, soulage un peu les plaies. Accorde un faux remède à des douleurs si vraies. Trompe-le, je t'en prie. Et sinon par pitié, pour le moins par vengeance ou par inimitié. Le beau prix qu'il aurait de m'avoir tant chéri si je ne le payais que d'une tromperie. Pour salaire des maux qu'il endure en m'aimant, il aura qu'avec lui je vivrai franchement. Franchement, c'est-à-dire avec mille rudesses. Le mépriser, le fuir, et par quelques adresses qu'il tâche d'adoucir. Quoi ? Me quitter ainsi et sans me dire adieu ? Le sujet ? Le voici. Ma sœur ne cherche plus une chose trouvée, sa fuite n'est l'effet que de mon arrivée. Ma présence la chasse, et son muet départ a presque devancé son dédaigneux regard. Juge, par là, quel fruit produit mon entremise. Je m'acquitte des mieux de la charge commise. Je te fais plus parfait mille fois que tu n'es. Ton feu ne peut aller au point où je le mets. J'invente des raisons à combattre sa haine. Je blâme, flatte, prie, et perds toujours ma peine. En grand péril d'y perdre encore son amitié et d'être en tes malheurs avec toi de moitié. Ah, tu ris de mes mots. Que veux-tu que je fasse ? Ris des miens, si jamais tu me vois dans ta place. Que serviraient mes pleurs ? Veux-tu qu'à tes tourments j'ajoute la pitié de mes ressentiments ? Après mille mépris qu'a reçu ta folie, tu n'es que trop chargée de ta mélancolie. Si j'y joignais la mienne, elle t'accablerait. Et de mon déplaisir, le tien redoublerait. Contraindre mon humeur me serait un supplice qui me rendrait moins propre à te faire service. Vois-tu ? Par tout moyen, je te veux soulager, mais j'ai bien plus d'esprit que de m'en affliger. Il n'est point de douleur si forte en un courage qui ne perde sa force auprès de mon visage. C'est toujours de tes maux autant de rabattus. Confesse, ont-ils encore le pouvoir qu'ils ont eu ? Ne sens-tu point déjà ton âme un peu plus gaie ? Tu me forces à rire en dépit que j'en ai. Je souffre tout de toi, mais à condition d'employer tous tes soins à mon affection. Non, pas tous. J'en retiens pour moi quelques parties. Il était grand besoin de cette répartie. Ne ris plus. Et regarde, après tant de discours, par où tu me pourras donner quelques secours. Dis-moi par quelle ruse il faut... Rentrons, mon frère. Un de mes amants vient qui pourrait nous distraire. Que je dois bien faire pitié de souffrir les rigueurs d'un sort si tyrannique. J'aime Alidore, j'aime Angélique. Mais l'amour cède à l'amitié, et jamais on n'a vu sous les lois d'une belle d'amant si malheureux, ni d'ami si fidèle. Ma bouche ignore mes désirs, et de peur de se voir trahi par imprudence, mon cœur n'a point de confidence avec mes yeux ni mes soupirs. Mes vœux pour sa beauté sont muets, et ma flamme, non plus que son objet, ne sort point de mon âme. Je feins d'aimer en d'autres lieux, et pour en quelque sorte alléger mon supplice, je porte du moins mon service à celle qu'elle aime le mieux. Phyllis, à qui j'en compte à beau faire la fine, son plus charmant appât, c'est d'être sa voisine. Esclave d'un œil si puissant, jusque-là seulement me laisse aller ma chaîne, trop récompensée dans ma peine d'un de ses regards en passant. Je n'en veux à Phyllis que pour voir Angélique, et mon feu qui vient d'elle auprès d'elle s'explique. Ami, mieux aimé mille fois, faut-il pour m'accabler de douleurs infinies que nos volontés soient unies jusqu'à faire le même choix? Viens quereller mon cœur d'avoir tant de faiblesse que de se laisser prendre au même œil qui te blesse. Mais plutôt, vois te préférer à celle que le tien préfère à tout le monde. Et ton amitié sans seconde n'aura plus de quoi murmurer. Ainsi, je veux punir ma flamme déloyale. Ainsi, te rencontrer dans la place royale, solitaire, et si près de ta douce prison, montre bien que Phyllis n'est pas à la maison. Mais voir de ce côté ta démarche avancée montre bien qu'Angélique est fort dans ta pensée. Hélas, c'est mon malheur. Son objet, trop charmant, quoi que je puisse faire, y règne absolument. De ce pouvoir, peut-être elle use en inhumaine ? Rien moins, et c'est par là que redouble ma peine. Ce n'est qu'en m'aimant trop qu'elle me fait mourir. Un moment de froideur et je pourrais guérir. Une mauvaise œillade, un peu de jalousie, et j'en aurais soudain passé ma fantaisie. Mais hélas, elle est parfaite. Et sa perfection n'approche point encore de son affection. Point de refus pour moi, point d'heures inégales, accablée de faveurs à mon repos fatal, partout où son honneur peut souffrir mes plaisirs, je vois qu'elle devine et prévient mes désirs. Et si j'ai des rivaux, sa dédaigneuse vue les désespère autant que son ardeur me tue. Dit-on jamais amant de la sorte enflammée qui se tint malheureux pour être trop aimé? Comptes-tu mon esprit entre les ordinaires? Penses-tu qu'il s'arrête aux sentiments vulgaires? Les règles que je suis ont un air tout divers. Je veux la liberté dans le milieu des fers. Il ne faut point servir d'objets qui nous possèdent. Il ne faut point nourrir d'amour qui ne nous cède. Je le hais s'il me force. Et quand j'aime, je veux que de ma volonté dépendent tous mes vœux, que mon feu m'obéisse au lieu de me contraindre, que je puisse à mon gré l'augmenter et l'éteindre, et toujours en état de disposer de moi, donner quand il me plaît et retirer ma foi. Pour vivre de la sorte, Angélique est trop belle. Mes pensées ne sauraient m'entretenir que d'elle. Je sens de ses regards mes plaisirs se borner, mes pas d'autre côté n'oseraient se tourner, et de tous mes soucis la liberté bannie me soumette en esclave à trop de tyrannie. J'ai honte de souffrir les maux dont je me plains et d'éprouver ses yeux plus forts que mes desseins. Mais sans plus consentir à de si rudes gênes, à tel prix que ce soit, je veux rompre mes chaînes, de crainte qu'un hymen m'en ôtant le pouvoir fît d'un amour par force, un amour par devoir. Crains-tu de posséder un amant qui te charme? Ne parle point d'un nœud dont le seul nom m'alarme. J'idolâtre Angélique. Elle est belle, aujourd'hui. Mais sa beauté peut-elle autant durer que lui? Et pour peu qu'elle dure, aucun me peut-il dire si je pourrais l'aimer jusqu'à ce qu'elle expire. Du temps qui change tout, les révolutions ne changent-elles pas nos résolutions? Est-ce une humeur égale et ferme que la nôtre? N'a-t-on point d'autres goûts en un âge qu'en l'autre? Juge alors le tourment que c'est d'être attaché et de ne pouvoir rompre un si fâcheux marché. Cependant, Angélique, à force de me plaire, me flatte doucement de l'espoir du contraire. Et si d'autre façon je ne me sais garder, je sens que ces appâts m'en vont persuader. Mais puisque son amour me donne tant de peine, je la veux offenser pour acquérir sa haine et mériter enfin un doux commandement qui prononce l'arrêt de mon bannissement. Ce remède est cruel, mais pourtant nécessaire. Puisqu'elle me plaît trop, il me faut lui déplaire. Tant que j'aurai chez elle encore le moindre accès, mes desseins de guérir n'auront point de succès. Étrange humeur d'amant. Étrange mais utile, je me procure un mal pour en éviter mille. Tu ne prévois donc pas ce qui t'attend de maux quand un rival aura le fruit de tes travaux. Pour se venger de toi, cette belle offensée, sous le joug d'un mari, sera bientôt passée. Et lors que de soupirs et de pleurs répandus ne te rendront aucun de tant de bien perdu. Dis mieux que pour rentrer dans mon indifférence, je perdrai mon amour avec mon espérance, et qui trouvant alors sujet d'aversion, ma liberté naîtra de ma punition. Après cette assurance, ami, je me déclare. Amoureux dès longtemps d'une beauté si rare, toi seul de la servir me pouvais empêcher, et je n'aimais Phyllis que pour m'en approcher. Souffre donc maintenant que, pour mon allégeance, je prenne, si je puis, le temps de sa vengeance, que des ressentiments qu'elle aura contre toi, je tire un avantage en lui portant ma foi, et que, dans la colère en son âme conçue, je puisse, à mes amours, faciliter l'issue. Et si ce joug inhumain, ce passage trompeur, ce supplice éternel ne te fait point de peur, à moi ne tiendra pas que la beauté que j'aime ne me quitte bientôt pour un autre moi-même. Tu portes en bon lieu tes désirs amoureux, mais songe que l'hymen fait bien des malheureux. J'en veux bien faire essai. Mais d'ailleurs, quand j'y pense, peut-être seulement le nom d'époux t'offense, et tu voudrais qu'un autre... Ami, que me dis-tu ? Connais mieux Angélique et sa haute vertu. Et sache qu'une fille a beau toucher mon âme, je ne la connais plus dès l'heure qu'elle est femme. De mille qu'autrefois tu m'as vu caresser, en pas une un mari pouvait-il s'offenser. J'évite l'apparence autant comme le crime. Je fuis un compliment qui semble illégitime, et le jeu m'en déplaît quand on fait à tout coup causer un médisant et rêver un jaloux. Encore que dans mon feu mon cœur ne s'intéresse, je veux pouvoir prétendre où ma bouche l'adresse, et garder si je puis parmi ces fictions un renom aussi pur que mes intentions. Ami, soupçons à part et sans plus de réplique, si tu veux en ma place être aimé d'Angélique, allons tous de ce pas ensemble imaginer les moyens de la perdre et de te la donner. Et quelle invention sera la plus aisée ? Allons. Ce que j'ai dit n'était que par risée. Angélique tenant une lettre ouverte. De cette trahison, ton maître est donc l'auteur ? Son choix, mal à propos, m'en a fait le porteur. Mon humeur y répugne. Et quoi qu'il en advienne, j'en fais une de peur de servir à la sienne. Et mon devoir, mal propre à de si lâches coups, manque aussitôt vers lui comme le sien vers vous. Contre ce que je vois, mon fol amour s'obstine. Calidor ait écrit cette lettre à Clarine, et qu'ainsi d'Angélique il se voulut jouer. Il n'aura pas le front de le désavouer. Opposez-lui ses traits. Battez-le de ses armes. Pour s'en pouvoir défendre, il lui faudrait des charmes. Mais surtout, Cachez-lui ce que je fais pour vous, et ne m'exposez point aux traits de son courroux, que je vous puisse encore trahir son artifice, et pour mieux vous servir, rester à son service. Rien ne m'échappera qui te puisse toucher, je sais ce qu'il faut dire et ce qu'il faut cacher. Feignez d'avoir reçu ce billet de Clarine, et que... Ne m'instruis point et va, qu'il ne devine. Mais... Ne réplique plus et va-t'en. J'obéis. Mes feux, il est donc vrai que l'on vous a trahi. Et ceux dont Alidor paraissait l'âme atteinte ne sont plus que fumée, ou n'étaient qu'une feinte. Que la foi des amants est un gage pipeur, que leurs serments sont vains et notre espoir trompeur, qu'on est peu dans leur cœur pour être dans leur bouche, et que malaisément on sait ce qui les touche. Voici la vitelle. Oh, qu'il se contraint bien. Puis-je avoir un moment de ton cher entretien? Mais j'appelle un moment de même qu'une année passe entre deux amants pour moins qu'une journée. Avec de tels discours oses-tu m'aborder, perfide? Et sans rougir, peux-tu me regarder? As-tu cru que le ciel consentit à ma perte, jusqu'à souffrir encore ta lâcheté couverte? Apprends, perfide, apprends que je suis hors d'erreur. Tes yeux ne me sont plus que des objets d'horreur. Je ne suis plus charmée, et mon âme plus saine n'eut jamais tant d'amour qu'elle a pour toi de haine. Voilà me recevoir avec des compliments qui seraient pour tout autre un peu moins que charmants. Quel en est le sujet? Le sujet? Lis, parjure, et puis accuse-moi de te faire une injure. Clarine, je suis tout à vous. Ma liberté vous rend les armes. Angélique n'a point de charme pour me défendre de vos coups. Ce n'est qu'une idole mouvante. Ses yeux sont sans vigueur, sa bouche sans appât. Alors que je l'aimais, je ne la connus pas. Et de quelques attraits que le monde vous vante, vous devez mes affections autant à ses défauts qu'à vos perfections. Eh bien, ta perfidie est-elle en évidence? Est-ce là tant de quoi? Tant de quoi? L'impudence? Après 1000 serments, il me manque de foi et me demande encore si c'est là tant de quoi. Change si tu le veux. Je n'y perds qu'un volage. Mais en m'abandonnant, laisse en paix mon visage. Oublie avec ta foi ce que j'ai de défaut. N'établis point tes feux sur le peu que je vaux. Fais que sans m'y mêler, ton compliment s'explique. Et ne le grossis point du mépris d'Angélique. Deux mots de vérité vous mettent bien au champ. Ciel, tu ne punis point des hommes si méchants. Ce traître vit encore. Il me voit, il respire, il m'affronte, il l'avoue, il rit quand je soupire. Vraiment, le ciel a tort de ne vous pas donner lorsque vous tempêtez sa foudre à gouverner. Il devrait avec vous être d'intelligence. Le digne et grand objet d'une haute vengeance, vous traitez du papier avec trop de rigueur. Je voudrais en pouvoir faire autant de ton cœur. Qui ne vous flatte point puissamment vous irrite. Pour dire franchement votre peu de mérite, commettons des forfaits si grands et si nouveaux qu'on doive tout à l'heure être mis en morceaux. Si ce crime autrement ne saurait se remettre... Il lui présente aux yeux un miroir. Cassé, ceci vous dit encore pis que ma lettre. S'il me dit mes défauts autant ou plus que toi, déloyal, pour le moins il n'en dit rien qu'à moi. C'est dedans son cristal que je les étudie. Mais après, il s'entête et moi j'y remédie. Il m'en donne un avis sans me les reprocher. Et me les découvrant, il m'aide à les cacher. Vous êtes en colère et vous dites des pointes. Ne présumiez-vous point que j'irais à main jointe. Les yeux enflés de pleurs et le cœur de soupirs vous faire offre à genoux de 1000 repentirs. Que vous êtes à plaindre étant si fort déçu. Insolent! Ô ôte-toi pour jamais de ma vue. Me défendre vos yeux. Après mon changement, appelez-vous cela du nom de châtiment? Ce n'est que me bannir du lieu de mon supplice. Et ce commandement est si plein de justice qu'encore Calidore ne soit plus sous vos lois, il va vous obéir. Pour la dernière fois. Commandement honteux ou ton obéissance n'est qu'un signe trop clair de mon peu de puissance. Ou ton bannissement a pour toi des appâts et me devient cruel de ne te l'être pas. À quoi se résoudra désormais ma colère si ta punition te tient lieu de salaire? Que mon pouvoir me nuit et qu'il m'est cher vendu. Voilà ce que me vaut d'avoir trop attendu. Je devais prévenir ton outrageux caprice. Mon bonheur dépendait de te faire injustice. Je chasse un fugitif avec trop de raison et lui donne les champs quand il rompt sa prison. Ah, que n'ai-je eu des bras à suivre mon courage, qu'il m'eût bien autrement réparé cet outrage, que j'eusse retranché de ses propos railleurs. Le traître n'eût jamais porté son cœur ailleurs, puisqu'il m'était donné, je m'en fusse saisi, et sans prendre conseil que de ma jalousie, puisqu'un autre portrait en efface le mien sans coups aurait chassé ce voleur de mon bien. Vain projet, vain discours, vaine et fausse allégeance, et mes bras et mon cœur manquent à ma vengeance. Ciel, qui m'envoie donner de si justes sujets, donne-moi des moyens, donne-moi des objets. Où me dois-je adresser? Qui doit porter sa peine? Qui doit à son défaut m'éprouver inhumaine? De mille désespoirs, mon cœur est assailli. Je suis seule, punie, et je n'ai point failli. Mais aveugle, je prends une injuste querelle. Je n'ai que trop failli d'aimer un infidèle, de recevoir un traître, un ingrat sous ma loi, et trouver du mérite en qui manquait de foi. Ciel, encore une fois, écoute mon envie. Ôte-moi la mémoire, ou le prive de vie. Fais que de mon esprit je puisse le bannir, ou ne l'avoir que mort dedans mon souvenir. Que je m'anime en vain contre un objet aimable, tout criminel qu'il est, il me semble adorable. Et mes souhaits qu'étouffent un soudain repentir en demandant sa mort n'y sauraient consentir. Restes impertinent d'une flamme insensée, ennemi de mon heure, sortez de ma pensée. Ou si vous m'en peinez encore quelques traits, laissez là ces vertus. Peignez-moi ces forfaits. Le croirais-tu, Phyllis? Alidore m'abandonne. Pourquoi non? Je n'y vois rien du tout qui m'étonne. Rien qui ne soit possible et de plus fort commun. La constance est un bien qu'on ne voit en pas un. Tout se change ici-bas, mais partout bon remède. Le ciel n'en a point fait au mal qui me possède. Choisis de mes amants sans t'affliger si fort. Et n'appréhende pas de me faire au grand tort. J'en pourrais au besoin fournir toute la ville, qu'il m'en demeurerait encore plus de 2000. Je ferais mourir avec de tels propos. Laisse-moi plutôt soupirer en repos, ma sœur. Plutôt bon Dieu que tu voulusses l'être. Quoi, tu ris encore? C'est bien faire paraître. Que je ne saurais voir d'un visage affligé ta cruauté punie et mon frère vengé. Après tout, je connais quelle est ta maladie. Tu vois comme Alidore est plein de perfidie. mais je mets dans 2 jours ma tête à l'abandon au cas qu'un repentir n'obtienne son pardon. Après que cet ingrat me quitte pour Clarine. De le garder longtemps, elle n'a pas la mine. Et j'estime si peu ses nouvelles amours que je te plaige encore son retour dans 2 jours. Et lors, ne pense pas, quoi que tu te proposes, que de tes volontés devant lui tu disposes. Prépare tes dédains, arme-toi de rigueur. Une larme, un soupir te percera le cœur. Et je serai ravie alors de voir vos flammes brûler mieux que devant et rejoindre vos âmes. Mais j'en crains un succès à ta confusion, qui change une fois, change à toute occasion. Et nous verrons toujours, si Dieu le laisse vivre, un change, un repentir, un pardon s'entresuivre. Ce dernier est souvent l'amorce d'un forfait, et l'on cesse de craindre un courroux sans effet. Sa faute a trop d'excès pour être rémissible. Ma sœur, je ne suis pas de la sorte insensible. Et si je présumais que mon trop de bonté pût jamais se résoudre à cette lâcheté, qu'un si honteux pardon pût suivre cette offense, j'en préviendrais le coup m'en ôtant la puissance. Adieu! Dans la colère où je suis aujourd'hui, j'accepterais plutôt un barbare que lui! Il faut donc se hâter qu'elle ne refroidisse. Frère! Quelqu'un connu t'a fait un bon service. Il ne tiendra qu'à toi d'être un second Médor. On a fait qu'Angélique... Eh bien... est à Lydor. Elle est à Lydor? Angélique? Angélique. D'où lui vient cette humeur? Qui les a mis en pique? Si tu prends bien ton temps, il y fait bon pour toi. Va! Ne t'amuse point à savoir le pourquoi. Parle au père d'abord, tu sais qu'il te souhaite. Et s'il ne s'en dédie, tiens l'affaire pour faite. Bien qu'un si bon avis ne soit à mépriser, je crains... Lysis m'aborde et tu me veux causer? Entre chez Angélique et pousse ta fortune. Quand je vois un amant, un frère m'importune. Comme vous le chassez? Qu'eût-il fait avec nous? Mon entretien sans lui te semblera plus doux. Tu pourras t'expliquer avec moins de contraintes. Me conter de quel feu tu te sens l'âme atteinte et ce que tu croiras propre à te soulager. Regarde maintenant si je sais t'obliger. Cette obligation serait bien plus extrême si vous vouliez traiter tous mes rivaux de même. Et vous feriez bien plus pour mon contentement de souffrir avec vous 20 frères qu'un amant. Nous sommes donc, Lysis, d'une humeur bien contraire. J'y souffrirais plutôt 50 amants qu'un frère. Et puisque nos esprits ont si peu de rapport, je m'étonne comment nous nous aimons si fort. Vous êtes ma maîtresse. Et moi, sous votre empire, je dois suivre vos lois et non y contredire. Et pour vous obéir, mes sentiments domptés n'osent plus se régler que sur vos volontés. J'aime des serviteurs qui, pour une maîtresse, souffrent ce qui leur nuit, aiment ce qui les blesse. Si tu vois quelque jour tes feux récompensés, souviens-toi. Qu'est-ce ceci, Cléandre, vous passez? Il me faut bien passer puisque la place est prise. Venez! Cette raison est de mauvaise mise. D'un 1 000 000 d'amants, je puis flatter les vœux et n'aurai pas l'esprit d'en entretenir 2. Sortez de cette erreur. Et souffrant ce partage, ne faites pas ici l'entendu davantage. Le moyen que je sois insensible à ce point? Quoi? Pour l'entretenir, ne vous aimais-je point? Encore que votre ardeur à la mienne réponde... Je ne veux plus d'un bien commun à tout le monde. Si vous nommez ma flamme un bien commun à tous, je n'aime, pour le moins, personne plus que vous. Cela vous doit suffire? Oui, bien, à des volages qui peuvent en un jour adorer 100 visages, mais ceux dont un objet possède tous les soins, se donnant tous entiers, n'en méritent pas moins. De vrai, si vous valiez beaucoup plus que les autres, je devrais dédaigner leurs vœux auprès des vôtres. Mais 1 000 aussi bien faits ne sont pas mieux traités et ne murmurent point contre mes volontés. Est-ce à moi, s'il vous plaît, de vivre à votre mode? Votre amour, en ce cas, serait fort incommode. Loin de la recevoir, vous me feriez la loi. Qui m'aime de la sorte, il s'aime et non pas moi. Persiste en ton humeur, je te prie, et conseille à tous nos concurrents d'en prendre une pareille. Tu seras bientôt seul s'ils veulent m'imiter. Quoi donc? C'est tout de de bon que tu me veux quitter? Tu ne dis mot, rêveur? Et pour toute réplique, tu tournes tes regards du côté d'Angélique? Est-elle donc l'objet de tes légèretés? Veux-tu faire d'un coup deux infidélités et que, dans mon offense, Alidor s'intéresse? Oh, Cléandre, c'est assez de trahir ta maîtresse. Dans ta nouvelle flamme, épargne tes amis et ne l'adresse point en lieu qui soit promis. De la part d'Alidor, je vais voir cette belle. Laisse-moi avec lui démêler la querelle et ne t'informe point de mes intentions. Puisqu'il me faut résoudre mes afflictions et que pour te garder j'ai trop peu de mérite, du moins avant l'adieu, demeurons quitte à quitte, que ce que j'ai du tien, je te le rends d'ici. Tu m'as offert des vœux que je t'en offre aussi, et faisons entre nous toutes choses égales. Et moi, durant ce temps, je garderai les balles? Je te donne congé d'une heure, si tu veux. Je l'accepte, au hasard de le prendre pour deux. Pour deux, pour quatre, soit. Ne crains pas qu'il m'ennuie. Mais je ne consens pas cependant qu'on me fuit. On ne sort d'avec moi qu'avec mon congé. Inhumain! Est-ce ainsi que je t'ai négligé? Quand tu m'offrais des vœux, prenais-je ainsi la fuite et rends-tu l'appareil à ma juste poursuite? Avec tant de douceur, tu te vises écouter et tu tournes le dos quand je t'en veux compter? Va te jouer d'un autre avec tes railleries. Je ne puis plus souffrir de ces badineries. Ou cesse de m'aimer ou n'aime plus que moi. Je ne t'impose pas une si dure loi. Avec moi, si tu veux, aime toute la terre, sans craindre que jamais je t'en fasse la guerre. Je reconnais assez mes imperfections. Et quelque part que j'ai en tes affections, c'est encore trop pour moi. Seulement, ne rejette la parfaite amitié d'une fille imparfaite. Qui te rend obstinée à me persécuter? Qui te rend si cruelle que de me rejeter? Il faut que de tes mains un adieu me délivre! Si tu sais t'en aller, je saurais bien te suivre. Et quelque occasion qui t'amène en ces lieux, tu ne lui diras pas grand secret à mes yeux. Je suis plus incommode encore qu'il ne te semble. Parlons plutôt. D'accord? Et composons ensemble. Hier, un peintre excellent m'apporta mon portrait. Tandis qu'il t'en demeure encore quelques traits, qu'encore tu me connais et que de ta pensée, mon image n'est pas tout à fait effacée. Ne m'en refuse point ton petit jugement. Je le tiens pour bien fait. Plein du temps d'un moment! Et m'attachant à toi, si je te désespère, à ce prix, trouves-tu ta liberté trop chère? Allons, puisqu'autrement je ne te puis quitter, à tel prix que ce soit, il me faut racheter. Une heure plus tard. Il ressemble à ton humeur volage, qu'il reçoit tout le monde avec même visage. Mais d'ailleurs, ce portrait ne te ressemble pas, vu qu'il ne me dit mot et ne suit point mes pas. En quoi que désormais ma présence te nuise, la civilité veut que je te reconduise. Mais enfin quelques bornes à ta civilité, et suivant notre accord, me laisse en liberté. Tout est gagné, ma sœur. La belle m'est acquise. Jamais occasion ne se trouva mieux prise. Je possède Angélique. Angélique? Oui, tu peux avertir Alidor du succès de mes vœux et qu'au sortir du bal que je donne chez elle, demain, un sacré nœud me joint à cette belle. Dis-lui qu'il s'en console. Adieu, je vais pourvoir à tout ce qu'il me faut préparer pour ce soir. Nous voilà donc de bal. Dieu nous fera la grâce d'en trouver là 50 à qui donner ta place. Va-t'en, si bon te semble, où demeurent ces lieux. Je ne t'arrêtais pas ici pour tes beaux yeux, mais jusqu'à maintenant j'ai voulu te distraire, de peur que ton abord interrompît mon frère. Quelque fin que tu sois, tiens-toi pour raffiné. Ciel, à tant de malheurs m'aviez-vous destiné. Faut-il que d'un dessein si juste que le nôtre, la peine soit pour nous et les fruits pour un autre? Et que notre artifice ait si mal succédé qu'il me dérobe un bien qu'Alidor m'a cédé. Officieux ami d'un amant déplorable, que tu m'offres en vain cet objet adorable, qu'en vain de m'en saisir ton adresse entreprend. Ce que tu m'as donné, Doraste le surprend. Tandis qu'il me supplante, une sœur me cajole. Elle me tient les mains, cependant qu'il me vole. On me joue, on me brave, on me tue, on s'en rit. L'un me vante son heure, l'autre son trait d'esprit. L'un et l'autre à la fois me perd, me désespère, et je puis épargner ou la sœur ou le frère. Être sans Angélique et sans ressentiment. Avec si peu de cœur, aimer si puissamment. Cléandre, est-ce un forfait que l'ardeur qui te presse? Craignais-tu d'avouer une telle maîtresse? Et cachais-tu l'excès de ton affection par honte, par dépit ou par discrétion? Pouvais-tu désirer occasion plus belle que le nom d'Alidor à venger ta querelle? Si pour tes feux cachés tu n'oses t'émouvoir, laisse leurs intérêts, suis ceux de ton devoir. C'est trop abandonner ta renommée au blâme, il faut sauver d'un coup ton honneur et ta flamme. Et l'un et l'autre ici marchent d'un pas égal, soutenant un ami, tu t'ôtes un rival. Ne diffère donc plus ce que l'honneur commande, et lui gagne Angélique, afin qu'il te la rende. Il faut... Eh bien, Cléandre, je suis obligé. Pour m'avoir obligé que je vais t'affliger. Doras t'a pris le temps des dépits d'Angélique. Après? Après cela, tu veux que je m'explique. Qu'en a-t-il obtenu? Par-delà son espoir, il l'épouse demain, lui donne bal ce soir. Juge par là si mon mal est extrême. En es-tu bien certain? J'ai tout su de lui-même. Que je serais heureux si je ne t'aimais point. Cet hymen aurait mis mon bonheur à son point. La prison d'Angélique aurait rompu la mienne. Quelque empire sur moi que son visage obtienne, ma passion fut morte avec sa liberté. Et trop vain pour souffrir qu'en sa captivité, les restes d'un rival eussent fait mon servage. Elle eût perdu mon cœur avec son pucelage. Pour forcer sa colère à de si doux effets, quels efforts, cher ami, ne me suis-je point fait? Me feindre tout de glace et n'être que de flamme, la mépriser de bouche et l'adorer dans l'âme. J'ai souffert ce supplice et me suis feint léger de honte et de dépit de ne pouvoir changer. Et je vois, près du but où je voulais prétendre les fruits de mon travail n'être pas pour Cléandre. À ces conditions, mon bonheur me déplaît. Je ne puis être heureux si Cléandre ne l'est. Ce que je t'ai promis ne peut être à personne. Il faut que je périsse ou que je te le donne. J'aurai trop de moyens de te garder ma foi. Et malgré les desseins, Angélique est à toi. Ne trouble point pour moi le repos de ton âme. Il t'en coûterait trop pour avancer ma flamme. Sans que ton amitié fasse un second effort. Voici de qui j'aurai ma maîtresse ou la mort. Si Doras a du cœur, il faut qu'il la défende. Et que l'épée au poing, il la gagne ou la rende. Simple. Par le chemin que tu penses tenir, tu l'as lui pesauté, mais non pas l'obtenir. La suite des duels ne fut jamais plaisante, c'était ces jours passés ce que disaient tes hantes. Je veux prendre un moyen et plus court et plus sûr, et sans aucun péril t'en rendre possesseur. Va donc là-bas attendre que je te donne avis. Auprès de cette belle, employez le pouvoir qui me reste sur elle. Cher ami. Va-t'en, dis-je. Et par tes compliments, cesse de t'opposer à tes contentements. Désormais, en ces lieux, tu ne fais que me nuire. Je te vais donc laisser ma fortune à conduire. Adieu. Puissais-je avoir les moyens à mon tour de faire autant pour toi que toi, pour mon amour que pour ton amitié, je vais souffrir de peine. Déjà, presque échappé, je rentre dans ma chaîne. Il faut encore un coup, m'exposant à ses yeux, reprendre de l'amour afin d'en donner mieux. Mais reprendre un amour dont je me veux défaire, qu'est-ce qu'à mes desseins un chemin tout contraire? Allons-y toutefois, puisque je l'ai promis, toute peine est fort douce à qui sert ses amis. Quel malheur partout m'accompagne, qu'un indiscret hymen me venge à mes dépens, que de pleurs en vain je répands, moins pour ce que je perds que pour ce que je gagne. L'un m'est plus doux que l'autre, et j'ai moins de tourments du forfait d'Alidore que de son châtiment. Ce traître alluma dans ma flamme. Je puis donc consentir à ces tristes accords, et par quelques puissants efforts que de tout sens je tourne et retourne mon âme. J'y trouve seulement, afin de me punir, le dépit du passé, l'horreur de l'avenir. Où viens-tu, déloyal? Avec quelle impudence oses-tu redoubler mes maux par ta présence? Qui te donne le front de surprendre mes pleurs? Ton plaisir dépend-il d'avoir vu mes douleurs? Est-il dit que tes yeux te mettront hors de doute et t'apprendront combien ta trahison me coûte? Après que tu m'as fait un insolent aveu de n'avoir plus pour moi ni de foi ni de feu, tu te mets à genoux et tu veux, misérable, que ton fin repentir m'en donne un véritable. Va, va! N'espère rien de tes submissions. Porte-les à l'objet de tes affections. Ne me présente plus les traits qui m'ont déçu. N'attaque point mon cœur en me blessant la vue. Penses-tu que je sois après ton changement, ou sans ressouvenir, ou sans ressentiment? S'il te souvient encore de ton brutal caprice, dis-moi, que viens-tu faire au lieu de ton supplice? Garde un exil si cher à tes légèretés. Je ne veux plus savoir de toi mes vérités. Quoi, tu ne me dis mot? Crois-tu que ton silence puisse de tes discours réparer l'insolence? Tes pleurs effacent-ils un mépris si cuisant? Et ne t'en dédis-tu, traître, qu'en te taisant? Pour triompher de moi, veux-tu pour toutes armes employer des soupirs et de muettes larmes? Sur notre amour passé, c'est là trop te fier. Du moins, dis quelque chose à te justifier. Demande le pardon que tes regards m'arrachent. Explique leur discours. Dis-moi ce qu'ils me cachent. Que mon courroux est faible et que leurs traits puissants rendent des criminels aisément innocents. Je n'y puis résister, quelque effort que je fasse, et de peur de me rendre, il faut quitter la place. Ma chère âme, mon tout. Quoi? Vous m'abandonnez? C'est bien là me punir quand vous me pardonnez. Je sais ce que j'ai fait, et qu'après tant d'audace, je ne mérite pas de jouir de ma grâce, mais demeurez du moins, tant que vous ayez su que par un fin mépris votre amour fut déçu, que je vous fus fidèle en dépit de ma lettre, quand vos mains seulement on la devait remettre, que mon dessein n'allait qu'à voir vos mouvements et juger de vos feux par vos ressentiments. Dites, quand je la vis entre vos mains remises, changeai-je de couleur, eus-je quelque surprise? Ma parole plus ferme et mon port assuré ne vous montrait-il pas un esprit préparé? Que Clarine vous dit à la première vue, si jamais de mon change elle s'est aperçue? Ce mauvais compliment flattait mal ses appas, il vous faisait outrage et ne l'obligeait pas. Et ses termes, piquants, mal conçus pour lui plaire, au lieu de son amour, cherchaient votre colère. Cesse de m'éclaircir de sous un tel secret. En te montrant fidèle, il accroît mon regret. Je perds moins si je crois ne perdre qu'un volage, et je ne puis sortir d'erreur qu'à mon dommage. Que me sert de savoir que tes vœux sont constants? Que te sert d'être aimé quand il n'en est plus temps? Aussi, je ne viens pas pour regagner votre âme. Préférez-moi à Doraste, et devenez sa femme. Je vous viens par ma mort en donner le pouvoir. Moi vivant, votre foi ne le peut recevoir. Elle m'est engagée, et quoi que l'on vous dit, sans crime, elle ne peut durer moins que ma vie. Mais voici qui vous rend l'une et l'autre à la fois. Ce cruel discours me réduit aux abois. Ma colère a rendu ma perte inévitable, et je déteste en vain ma faute irréparable. Si vous avez du cœur, on la peut réparer. On nous doit dès demain pour jamais séparer. Que puis-je à de tels maux appliquer pour remède? Ce qu'ordonne l'amour aux âmes qu'il possède. Si vous m'aimez encore, vous saurez dès ce soir rompre les noirs effets d'un juste désespoir. Quittez avec le bal vos malheurs pour me suivre. Ou soudain, à vos yeux, je vais cesser de vivre. Mettrez-vous en ma mort votre contentement? Non! Que dira-t-on d'un tel emportement? Est-ce là dont le prix de vous avoir servi? Il y va de votre heure, il y va de ma vie, et vous vous arrêtez à ce qu'on en dira? Mais faites désormais tout ce qu'il vous plaira, puisque vous consentez plutôt à vos supplices qu'à l'unique moyen de payer mes services. Ma mort va me venger de votre peu d'amour. Si vous n'êtes à moi, je ne veux plus du jour. Retiens ce coup fatal, me voilà résolu. Use sur tout mon cœur de puissance absolue. Puisqu'il est tout à toi, tu peux tout commander. Et contre nos malheurs, j'ose tout hasarder. Cet éclat du dehors n'a rien qui m'embarrasse. Mon honneur seulement te demande une grâce. Accorde à ma pudeur que deux mots de ta main puissent justifier ma fuite et ton dessein, que mes parents surpris trouvent ici ce gage qui les rende assurés d'un heureux mariage, et que je sauve ainsi ma réputation par la sincérité de ton intention. Ma faute en sera moindre, et mon trop de constance paraîtra seulement fuir une violence. Ma reine, enfin, par là, vous me ressuscitez. Agissez pleinement dessus mes volontés. J'avais pour votre honneur la même inquiétude, et ne pouvais d'ailleurs qu'avec ingratitude, voyant ce que pour moi votre flamme résout, dénier quelque chose à qui m'accorde tout. Donnez-moi, sur le champ, je vous veux satisfaire. Il vaut mieux que les fêtes à tantôt se diffèrent. Je manque ici de tout et j'ai peur. Mon souci, que quelqu'un par malheur ne te surprenne ici. Mon dessein généreux fait naître cette crainte. Depuis qu'il est formé, j'en ai senti l'atteinte. Va, quitte-moi ma vie, et te coule sans bruit. Adieu donc, ma chère âme. Adieu, jusqu'à minuit. Que promets-tu, pauvre aveuglé? À quoi t'engage ici ta folle passion? Et de quelle indiscrétion ne s'accompagne point ton ardeur déréglée? Tu cours à ta ruine et vas tout hasarder sur la foi de celui qui n'en saurait garder. Je me trompe. Il n'est point volage. J'ai vu sa fermeté. J'en ai cru ses soupirs. Et si je flatte mes désirs, une si douce erreur n'est qu'à mon avantage. Me manqua-t-il de foi? Je la lui dois garder. Et pour perdre Doraste, il faut tout hasarder. Cléandre, elle est à toi. J'ai fléchi son courage. Que ne peut l'artifice et le phare du langage? Et si pour un ami ces effets je produis, lorsque j'agis pour moi, qu'est-ce que je ne puis ? D'où provient Calidore, sort de chez Angélique ? Aurait-il avec elle encore quelques pratiques ? Son visage n'a rien que d'un homme content. Aurait-il regagné cet esprit inconstant ? Oh ! Qu'il ferait bon voir que cette humeur volage, deux fois en moins d'une heure, eût changé de courage. Que mon frère en tiendrait s'il s'était mis d'accord. Il faut qu'à le savoir, je fasse mon effort. Ce soir, je sonderai les secrets de son âme. Et si son entretien ne me trahit sa flamme, j'aurai l'œil de si près dessus ses actions que je m'éclaircirai de ses intentions. Quoi, Lysis ? Ta retraite est de peu de durée. L'heure de mon congé n'est qu'à peine expirée, mais vous voyant ici sans frère et sans amant... N'en présume pas mieux pour ton contentement. Et d'où vient ta Phyllis une humeur si nouvelle ? Vois-tu, je ne sais quoi me brouille la cervelle. Va, ne me conte rien de ton affection. Elle en aurait fort peu de satisfaction. Cependant, sans parler, il faut que je soupire. Réserve pour le bal ce que tu veux me dire. Le bal ? Où le tient-on ? Là-dedans. Il suffit. De votre bon avis, je ferai mon profit. Là, sans bouger, que je t'en avertisse. Enfin, la nuit s'avance et son voile propice me va faciliter le succès que j'attends pour rendre heureux Cléandre et mes désirs contents. Mon cœur, las de porter un joug si tyrannique, ne sera plus qu'une heure esclave d'Angélique. Je vais faire un ami possesseur de mon bien. Aussi, dans son bonheur, je rencontre le mien. C'est moins pour l'obliger que pour me satisfaire. Moins pour le lui donner qu'afin de m'en défaire. Ce trait paraîtra lâche et plein de trahison. Mais cette lâcheté m'ouvrira ma prison. Je veux bien à ce prix avoir l'âme traîtresse et que ma liberté me coûte une maîtresse. Que lui fais-je, après tout, qu'elle n'ait mérité pour avoir malgré moi fait ma captivité ? Qu'on ne m'accuse point d'aucune ingratitude. Ce n'est que me venger d'un an de servitude. Que rompre son dessein comme elle a fait le mien. Qu'user de mon pouvoir comme elle a fait du sien. Et ne lui pas laisser un si grand avantage de suivre son humeur. Et forcer mon courage. Le forcer ? Mais hélas, que mon consentement par un si doux effort fut surpris aisément. Quel excès de plaisir goûta mon imprudence avant que s'avisait de cette violence. Examinant mon feu, qu'est-ce que je ne perds et qu'il m'est cher vendu de connaître mes fers. Je soupçonne déjà mon dessein d'injustice et je doute s'il est ou raison ou caprice. Je crains un pire mal après ma guérison et d'aller au supplice en rompant ma prison. Alidor, tu consens qu'un autre la possède ? Peux-tu bien t'exposer à des maux sans remède ? À de vains repentirs, d'inutiles regrets, de stériles remords et des bourreaux secrets, cependant qu'un ami par tes lâches menées cueillera les faveurs qu'elle t'a destinées. Ne frustre point l'effet de son intention et laisse un libre cours à ton affection. Fais ce beaucoup pour toi, suis l'ardeur qui te presse. Mais trahir ton ami, Mais trahir ta maîtresse, je n'en veux obliger pas un à me haïr et ne sais qui des deux ou servir ou trahir. Mais que mon jugement s'enveloppe de nu. Mes résolutions, qu'êtes-vous devenues? Revenez mes desseins et ne permettez pas qu'on triomphe de vous avec un peu d'appât. En vain pour Angélique qu'il prenne la querelle. Cléandre, elle est à toi. Nous sommes deux contre elle. Ma liberté conspire avec tes ardeurs. Les miennes, désormais, vont tourner en froideur. Amour, que ton pouvoir tâche en pain vain de paraître. Fuis, petit insolent, je veux être le maître. Il ne sera pas dit qu'un homme tel que moi, en dépit qu'il en ait, obéisse à ta loi. Et ma flamme, elle dort. Qui m'appelle ? Cléandre ! Tu t'avances trop tôt. Je me lasse d'attendre. Laisse-moi, cher ami, le soin de t'avertir en quel temps de ce coin il te faudra sortir. Minuit vient de sonner. Et par expérience, tu sais comme l'amour est plein d'impatience. Va donc tenir tout prêt à faire ainsi beaucoup. Ce que nous attendons ne peut tarder beaucoup. Je livre entre tes mains cette belle maîtresse, sitôt que j'aurai pu lui rendre ta promesse. Sans lumière, et d'ailleurs s'assurant en ma foi, rien ne l'empêchera de la croire de moi. Après, achève seul. Je ne puis sans supplice forcer ici mes bras à te faire service et mon reste d'amour. En cet enlèvement ne peut contribuer que mon consentement. Ami, ce m'est assez. Va donc là-bas attendre que je te donne avis du temps qu'il faudra prendre. Cléandre ! Encore un mot. Pour de pareils exploits, nous nous ressemblons mal, et de taille et de voix. Angélique soudain pourra te reconnaître. Regarde après ses cris si tu seras le maître. Ma main dessus sa bouche, il sera trop pour voir. Ami, séparons-nous. Je pense l'entrevoir. Adieu. Fais promptement. Tu l'entends, c'est elle. Alidor, es-tu là? Je suis à vous, ma belle. De peur d'être connue, je défends à mes gens de se paraître en ces lieux avant qu'il en soit temps. Tenez. Je prends sans lire, et ta foi m'est si claire que je la prends bien moins pour moi que pour mon père. Je la porte à ma chambre. Épargnons les discours, fais avancer tes gens et tes pêches. J'y cours. Lorsque de son honneur je lui rends l'assurance, c'est quand je trompe mieux sa crédule espérance. Mais puisqu'au lieu de moi je lui donne un ami, à tout prendre, ce n'est la tromper qu'à demi. Angélique ! C'est fait. Mon frère en a dans l'aile. La voyant échapper, je courais après elle. Mais un maudit galant m'est venu brusquement servir à la traverse un mauvais compliment et par ses vains discours m'embarrasser. De sorte qu'Angélique, à son aise, a su gagner la porte. Sa perte est assurée. Et le traître Alidor la posséda jadis et la possède encore. Mais jusque à ce point serait-elle imprudente? Il n'en faut point douter. Sa perte est évidente. Le cœur me le disait le voyant en sortir. Et mon frère dès lors se devait avertir. Je te trahis, mon frère. Et par ma négligence, étant sans y penser de leur intelligence. On l'enlève, et mon cœur, surpris d'un vain regret, fait à ma perfidie un reproche secret. Il tient pour Angélique, il la suit, le rebelle. Parmi mes trahisons, il veut être fidèle. Je le sens, malgré moi, de nouveaux feux épris, refuser de ma main sa franchise à ce prix, désavouer mon crime, et pour mieux s'en défendre, me demander son bien que je cède à Cléandre. Hélas! Qui me prescrit cette brutale loi de payer tant d'amour avec si peu de foi? Envers cette beauté, ma flamme est inhumaine. Si mon feu la trahit, que lui ferait ma haine? Juge, juge, Alidor, en quelle extrémité ne la va point jeter ton infidélité? Écoute ses soupirs, considère ses larmes, laisse-toi vaincre enfin à de si fortes armes, et va voir si Cléandre, à qui tu sers d'appui, pourra faire pour toi ce que tu fais pour lui. Mais mon esprit s'égare, et quoi qu'il se figure, faut-il que je me rende à des pleurs en peinture, et qu'Alidor, de nuit plus faible que de jour, redonne à la pitié ce qu'il ôte à l'amour. Ainsi donc, mes desseins se tournent en fumée. J'ai d'autres repentirs que de l'avoir aimé. Suis-je encore Alidor après ses sentiments? Et ne pourrais-je enfin régler mes mouvements? Vaine compassion des douleurs d'Angélique qui pense triompher d'un cœur mélancolique. Téméraire avorton d'un impuissant remords, va, va porter ailleurs tes débiles efforts. Je sais trop maintenir ce que je me propose et souverain sur moi, rien que moi n'en dispose. En vain, un peu d'amour me déguise en forfait du bien que je me veux le généreux effet. De nouveau, j'y consens et prêt à l'entreprendre. Je demande pardon de t'avoir fait attendre, d'autant quand l'escalier en faisait quelque bruit et qu'un peu de lumière en effaçait la nuit. Je n'osais m'avancer de peur d'être aperçue. Allons, tout est-il prêt? Personne ne m'a vue de grâce. Dépêchons, c'est trop perdre de temps. Et les moments ici nous sont trop importants. Fuyons, vite! Et craignons les yeux d'un domestique. Quoi? Tu ne réponds point à la voix d'Angélique? Angélique? Mes gens vous viennent d'enlever. Qui vous a fait sitôt de leurs mains vous sauver? Quel soudain repentir! Et quelle crainte de blâme et quelle ruse enfin vous dérobe à ma flamme. Ne vous suffit-il point de me manquer de foi sans prendre encore plaisir à vous jouer de moi? Que tes gens cette nuit m'aient vu ou saisi, n'ouvre point ton esprit à cette fantaisie. Autant que l'on permit les ombres de la nuit, je l'ai vu de mes yeux. Tes yeux t'ont donc séduit, et quelque autre sans doute après moi descendu se trouve entre les mains dont j'étais attendu. Mais ingrat, pour toi seul, j'abandonne ces lieux et tu n'accompagnais ma fuite que des yeux. La belle preuve, hélas, de ton amour extrême de remettre ce coup à d'autres qu'à toi-même. Je suis donc un larcin indigne de tes mains. Quand vous aurez appris le fond de mes desseins, vous n'attribuerez plus, voyons mon innocence, à peu d'affection l'effet de ma prudence. Pour ôter tout soupçon et tromper ton rival, tu diras qu'il fallait te montrer dans le bal, faible ruse. Ajoutez vaine et sans adresse, puisque je ne pouvais démentir ma promesse. Quel était donc ton but? D'attendre ici le bruit que les premiers soupçons auront bientôt produit, et d'un autre côté, me jetant à la fuite, divertir de vos pas leur plus chaude poursuite. Mais enfin, Alidor, tes gens se sont mépris. Dans ce coup de malheur, et confuse et surpris, je vois tous mes desseins succéder à ma honte. Mais il me faut donner quelque ordre à ce mécompte. Permettez. Cependant, à qui me laisses-tu? Tu frustres donc mes voeux de l'espoir qu'ils ont eu, et ton manque d'amour de mes malheurs complices, m'abandonnant ici, me livre à mon supplice. L'hymen, oh, ce pensée déjà me fait mourir, me va joindre à Doraste, et tu le peux souffrir. Tu peux m'exposer à cette tyrannie? De l'erreur de tes gens, je me verrai puni. Jugez mieux de ma flamme, et songez mon espoir qu'un tel enlèvement n'est plus en mon pouvoir. J'en ai manqué le coup, et ce que je regrette, mon carrosse est parti. Mes gens ont fait retraite. À Paris et de nuit, une telle beauté suivant un homme seul est mal en sûreté. Doraste, ou par malheur quelque pire surprise de ces coureurs de nuit me ferait lâcher prise. De grâce, mon souci, passons encore un jour. Tu manques de courage aussi bien que d'amour. Et tu me fais trop voir par ta bizarrerie le chimérique effet de ta poltronnerie. Alidor, quel amant n'ose me posséder! Chut! Un bien si précieux se doit y hasarder. Et ne pouvez-vous point d'une seule journée différer le malheur de ce triste mêlé? Peut-être le désordre et la confusion qui naîtront dans le bal de cette occasion le remettront pour vous. Et l'autre nuit, je jure... Que tu seras encore ou timide ou parjure. Quand tu m'as résolu à tes intentions, lâche, t'ai-je opposé tant de précautions? Tu m'adores, dis-tu? Tu le fais bien paraître, rejetant mon bonheur ainsi sur un peut-être. Encore que mon amour appréhende pour vous, puisque vous le vous ailez. Eh bien, je m'y résous. Fuyons. Hasardons tout. Mais on ouvre la porte. C'est Doraste qui sort et nous suit à main forte. Quoi ? Ne m'attendre pas ? C'est trop me dédaigner. Je ne viens qu'à dessein de vous accompagner, car vous n'entreprenez si matin ce voyage que pour vous préparer à notre mariage. Encore que vous partiez beaucoup devant le jour, vous ne serez jamais assez tôt de retour. Vous vous éloignez trop, vu que l'heure nous presse. Infidèle ! Est-ce là me tenir ta promesse ? Eh bien, c'est te trahir. Penses-tu que mon feu d'un généreux dessein te fasse un désaveu ? Je t'acquis par dépit et perdrais avec joie. Mon désespoir à tous m'abandonnait en proie. Et lorsque Dalidor je me vis outragé, je fis arme de tout afin de me venger. Tu t'offris par hasard, je t'acceptais de rage. Je te donnais son bien et non pas mon courage. Ce change à mon courroux, j'étais un faux appât, je le nommais sa peine. Et c'était mon trépas. Je prenais pour vengeance une telle injustice. Et dessous ces couleurs, j'adorais mon supplice. Aveugle que j'étais, mon peu de jugement ne se laissait guider qu'à mon ressentiment. Mais depuis, Alidor m'a fait voir que son âme, en feignant un mépris, n'avait pas moins de flamme. Il a repris mon cœur en me rendant les yeux. Et soudain, mon amour m'a fait haïr ces lieux. Tu suivais Alidor. Ta funeste arrivée, en arrêtant mes pas de ce bien, m'a privé. Mais si... Tu le suivais ? Oui. Fais tous tes efforts. Lui seul aura mon cœur. Tu n'auras que le corps. Impudente. Effrontée autant comme traîtresse. De ce cher Alidor, tiens-tu cette promesse ? Est-elle de sa main parjure ? De bon cœur, j'aurais cédé ma place à ce premier vainqueur, mais suivre un inconnu, me quitter pour Cléandre ! Pour Cléandre ? J'ai tort. Je tâche à te surprendre. Vois, ce qu'en te cherchant m'a donné le hasard. C'est ce que dans ta chambre a laissé ton départ. C'est là qu'au lieu de toi, j'ai trouvé sur ta table de ta fidélité la preuve indubitable. Lis, mais ne rougis point et me soutiens encore que tu quittais ces lieux que poursuivre Alidor. Angélique, reçois ce gage de la foi que je te promets, qu'un prompt et sacré mariage unira nos jours désormais. Quittons ces lieux, chère maîtresse, rien ne peut que ta fuite assurer mon bonheur, mais laisse au tien cette promesse pour sûreté de ton honneur. Afin qu'elles en puissent t'apprendre que tu suis ton mari. Lorsque tu suis Cléandre, Cléandre, que je suis mon mari lorsque je suis Cléandre, Alidor est perfide ou Doraste imposteur. Je vois la trahison et doute de l'auteur. Toutefois, ce papier suffit pour m'en instruire. Je le pris d'Alidor et le pris sans le lire. Et puisqu'à m'enlever son bras se refusait, il ne prétendait rien au larcin qu'il faisait. Le traître ! J'étais donc destinée à Cléandre. Mais qu'à propos le ciel l'a fait méprendre, et ne consentant point à ses lâches desseins, met au lieu d'Angélique une autre entre ses mains. Que parles-tu d'une autre en ta place, ravie ? J'en ignore le nom, mais elle m'a suivie. Et ceux qui m'attendaient dans l'ombre de la nuit... C'en est assez. Mes yeux, du reste, m'ont instruit. Autre n'est que Phyllis entre leurs mains tombées. Après toi, de la salle, elle s'est dérobée. J'arrête une maîtresse et je perds une sœur. Mais allons promptement après le ravisseur. Dure condition de mon malheur extrême. Si j'aime, on me trahit. Je trahis si l'on m'aime. Qu'accuserais-je ici d'Alidor ou de moi ? Nous manquons l'un et l'autre également de foi. Si j'ose l'appeler lâche, traître, parjure, ma rougeur aussitôt prendra part à l'injure. Et les mêmes couleurs qui peindront ses forfaits, des miens en même temps exprimeront les traits. Mais quel aveuglement, nos deux crimes égales, puisque c'est pour lui seul que je suis déloyale. L'amour m'a fait trahir. Qui n'en trahirait pas ? Et la trahison seule a pour lui des appâts. Son crime est sans excuse, et le mien pardonnable. Il est deux fois, que dis-je, il est le seul coupable. Il m'a prescrit la loi, je n'ai fait qu'obéir. Il me trahit lui-même et me force à trahir. Déplorable Angélique en malheur sans seconde, que peux-tu désormais, que peux-tu faire au monde si ton ardeur sincère et ton peu de beauté n'ont pu te garantir d'une déloyauté ? D'Oraste tient ta foi, mais si ta perfidie a jusqu'à te quitter son âme refroidie, suis, suis dorénavant de plus saine raison, et sans plus t'exposer à tant de trahison. Puisque de ton amour on fait si peu de compte, va cacher dans un cloître et tes pleurs et ta honte. Accordez-moi ma grâce avant qu'entrer chez vous. Vous voulez donc enfin d'un bien commun à tous ? Craignez-vous qu'à vos feux, ma flamme ne réponde, et puis-je vous haïr si j'aime tout le monde ? Votre bel esprit raille et pour moi seul cruel, du rang de vos amants sépare un criminel. Toutefois, mon amour n'est pas moins légitime. Et mon erreur, du moins, me rend vers vous sans crime. Soyez, quoi qu'il en soit, d'un naturel plus doux. L'amour a pris le soin de me punir pour vous. Les traits que, cette nuit qu'il trempait de vos larmes, ont triomphé d'un cœur invincible à vos charmes. Puisque vous ne m'aimez que par punition, vous m'obligez fort peu de cette affection. Après votre beauté sans raison négligée, il me punit bien moins qu'il ne vous a vengé. Avez-vous jamais vu dessein plus renversé ? Quand j'ai la force en main, je me trouve forcé, je crois prendre une fille et suis pris par une autre. J'ai tout pouvoir sur vous et me remets au vôtre. Angélique me perd quand je crois l'acquérir. Je gagne un nouveau mal quand je pense guérir. Dans un enlèvement, je hais la violence. Je suis respectueux après cette insolence. Je commets un forfait et n'en serais usé. Je ne suis criminel que pour m'en accuser. Je m'expose à ma peine et négligeant ma fuite, je m'offre à des périls que tout le monde évite. Ce que j'ai pu ravir, je le viens demander, et pour vous devoir tout, je veux tout hasarder. Vous ne me devrez rien, du moins si j'en suis cru. Mais après le danger où vous vous êtes vu, malgré tous vos mépris, les soins de votre honneur vous doivent désormais résoudre à mon bonheur. La moitié d'une nuit passée en ma puissance, à d'étranges soupçons porte la médisance. Cela su, présumez comment on pourra causer. Pour étouffer ce bruit, il vous faut épouser, non pas, mais au contraire. Après ce mariage, je présumerai tout à mon désavantage. Et vous voir refuser fera mieux croire à tous qu'il ne s'est rien passé qu'à propos entre nous. Toutefois, après tout, mon humeur est si bonne que je ne puis jamais désespérer personne. Sachez que mes désirs, toujours indifférents, iront sans résistance au gré de mes parents. Leur choix sera le mien. C'est vous parler sans feinte. Je vois de leur côté même sujet de crainte. Si vous me refusez, m'écouteront-ils mieux ? Le monde vous croit riche et mes parents sont vieux. Puis-je, sur cet espoir... Il faudrait tout vous dire. Cléandre a-t-il enfin ce que son cœur désire ? Et ses amours changés par un heureux hasard, de celui de Philly sont-ils pris quelque part ? Cette nuit, tu l'as vu en un mépris extrême, et maintenant, ta mise est encore elle-même. Son orgueil se redouble, étant en liberté, et devient plus hardi d'agir en sûreté. J'espère toutefois à quelque point qu'il monte, qu'à la fin... Cependant que vous lui rendrez compte, je vais voir mes parents. Que ce coup de malheur à mon occasion accable de douleur, je n'ai tardé que trop à les tirer de peine. Est-ce donc tout de bon qu'elle était inhumaine ? Il la faut suivre, adieu. Je te puis assurer que je n'ai pas sujet de me désespérer. Va voir ton Angélique et la compte pour tienne, pourvu que son humeur soit pareille à la sienne. Tu me la rends enfin. Doraste tient sa foi. Tu possèdes son cœur. Qu'aurait-elle pour moi ? Quelques charmants appas qui soient sur son visage, je n'y saurais avoir qu'un fort mauvais partage. Peut-être elle croirait qu'il lui serait permis de ne me rien garder, ne m'ayant rien promis. Je m'exposerais trop à des maux sans remède. Mais de rechef, adieu. Ainsi, tout me succède. Ses plus ardents désirs se règlent sur mes vœux. Il accepte Angélique et la rend quand je veux. Quand je tâche à la perdre, il meurt de m'en défaire. Quand je l'aime, elle cesse aussitôt de lui plaire. Mon cœur prêt à guérir, le sien se trouve atteint et mon feu rallumé, le sien se trouve éteint. Il aime quand je quitte, il quitte alors que j'aime. Et sans être rivaux, nous aimons en lui-même. J'en ai fait, Angélique, et je ne saurais plus rendre contre tes yeux des combats superflus. De ton affection, cette preuve dernière reprend sur tous mes sens une puissance entière. Les ombres de la nuit m'ont redonné le jour. Que j'eus de perfidie et que je vis d'amour. Quand je sus que Cléandre avait manqué sa proie, que j'en eus de regrets et que j'en eus de joie. que l'amour, pour nous vaincre à de chemins divers, et que, malaisément, on rompt de si beaux fers. Aussi, ma liberté n'a plus rien qui me flatte. Le grand soin que j'en eus partait d'une âme ingrate, et mes desseins, d'accord avec mes désirs, à servir Angélique, mettront tous mes plaisirs. Mais hélas, ma raison est-elle assez hardie pour me dire qu'on m'aime après ma perfidie? Quelque secret instinct à mon bonheur fatal porte-t-il point, ma belle, à me vouloir du mal? Que de mes trahisons elle serait vengée si, comme mon humeur, la sienne était changée. Mais qui la changerait, puisqu'elle ignore encore tous les lâches complots du rebelle Alidor? Que dis-je, misérable, c'est trop me méprendre. Elle en a trop appris du billet de Cléandre. Son nom, au lieu du mien, en ce papier souscrit, ne lui montre que trop le fond de mon esprit. Sur ma foi, toutefois, elle le prit sans lire. Et si le ciel vengeur contre moi ne conspire, elle s'y fit assez pour n'en avoir rien lu. Entrons à tout hasard, d'un esprit résolu, dérobons à ses yeux le témoin de mon crime. Et si pour l'avoir lu, sa colère s'anime et qu'elle veuille user d'une juste rigueur, nous savons les chemins de regagner son cœur. Sollicite plus, mon âme refroidie, je méprise Angélique après sa perfidie. Mon cœur s'est révolté contre ses lâches traits, et qui n'a point de foi n'a point pour moi d'attrait. Veux-tu qu'on me trahisse et que mon amour dure? J'ai souffert sa rigueur, mais je hais son parjure. Et tiens sa trahison indigne à l'avenir d'occuper aucun lieu dedans mon souvenir. Calidore la possède, il est traître comme elle. Jamais pour ce sujet nous n'aurons de querelle. J'aurais peu de raison de lui vouloir du mal pour m'avoir délivré d'un esprit déloyal. Ma colère l'épargne et n'en veut qu'à Cléandre. Il verra que son pire était de se méprendre. Et si je puis jamais trouver ce ravisseur, il me rendra soudain et la vie et ma sœur. Écoutez un peu moins votre âme généreuse. Que feriez-vous par là qu'une sœur malheureuse? Les soins de son honneur que vous devez avoir pour d'autres intérêts vous doivent émouvoir. Après que par hasard Cléandre la ravie, elle perdrait l'honneur s'il en perdait la vie. On la croirait son reste. Et pour la posséder, peu d'amants sur ce bruit se voudraient hasarder. Faites mieux. Votre sœur à peine peut prétendre une fortune égale à celle de Cléandre, que l'excès de ses biens vous le rende chéri. Et de son ravisseur, faites-en son mari. Encore que son dessein ne fût pour sa personne, faites-lui retenir ce qu'un hasard lui donne. Je crois que cet hymen, pour satisfaction, plaira mieux à Phyllis que sa punition. Nous consultons en vain, ma poursuite est en vaine. Nous le rencontrerons, n'en soyez point en peine. Où que soit sa retraite, il n'est pas toujours nuit. Et ce qu'un jour nous cache, un autre le produit. Mais Dieu, voilà Phyllis qui l'a déjà rendue. Ma sœur, je te retrouve après t'avoir perdue. Et de grâce, quel lieu me cache le voleur qui, pour s'être méprise, a causé ton malheur? Que son trépas... Tout beau, peut-être ta colère, au lieu de ton rival, attaque ton beau-frère. En un mot, tu sauras qu'en cet enlèvement, mes larmes m'ont acquis Cléandre pour amant. Son cœur m'est demeuré pour peine de son crime et veut faire d'un rapt un amour légitime. Il fait tous ses efforts pour gagner mes parents et s'il les peut fléchir, quant à moi, je me rends. Non, à dire le vrai, que son objet me tente. Mais mon père content, je dois être contente. Tandis par la fenêtre ayant vu ton retour, je t'ai voulu sur l'heure apprendre cet amour pour te tirer de peine et rompre ta colère. Crois-tu que cet hymen puisse me satisfaire? Si tu n'es ennemi de mes contentements, ne prends mes intérêts que dans mes sentiments. Ne fais point le mauvais, si je ne suis mauvaise. Et quoi? Ce qui me plaît, faut-il qu'il te déplaise? En cette occasion, si tu me veux du bien, c'est à toi de régler ton esprit sur le mien. Je respecte mon père, et le tiens assez sage pour ne résoudre rien à mon désavantage. Si Cléandre le gagne et m'en peut obtenir, je crois de mon devoir... Je l'aperçois venir. Résolvez-vous, monsieur, à ce qu'elle désire. Si tu n'es mon souci d'humeur à te dédire, tout me rit désormais, j'ai leur consentement. Mais excusez, monsieur, le transport d'un amant, et souffrez qu'un rival, confus de son offense, pour en perdre le nom, entre en votre alliance. Ne me refusez point un oubli du passé et son ressouvenir à jamais effacé. Bannissant toute aigreur, recevez un beau frère que votre sœur accepte après l'aveu d'un père. Quand j'aurai sur ce point des avis différents, je ne puis contredire au choix de mes parents. Vous m'avez obligé de m'ôter Angélique. Rien de ce qui la touche à présent ne me pique. Je n'y prends plus de part après sa trahison. Je l'aimais par malheur et la hais par raison. Mais la voici qui vient de son amant suivi. Finissez vos méprises ou arrachez la vie. Ne m'importune plus, infidèle. Ah, ma sœur, comment as-tu pu si tôt tromper ton ravisseur? Il n'en a plus le nom. Et son feu légitime, autorisé des miens, en efface le crime. Le hasard me le donne. Et changeant ses desseins, il m'a mise en son cœur aussi bien qu'en ses mains. Son erreur fut soudain de son amour suivie. Et je ne l'ai ravie qu'après qu'il m'a ravie. Jusque-là, tes beautés ont possédé ses vœux. Mais l'amour d'Alidore faisait taire ses feux. De peur de l'offenser, te cachant son martyre, il me venait conter ce qu'il ne t'osait dire. Mais nous changeons de sort par cet enlèvement. Tu perds un serviteur et j'y gagne un amant. Dis-lui qu'elle en perd deux. Mais qu'elle s'en console, puisqu'avec Alidore, je lui rends sa parole. Satisfaite, sans crainte à vos intentions, je ne mets plus d'obstacle à vos affections. Si vous faussez déjà la parole donnée, que ne feriez-vous point après notre Hyménée? Pour moi, malaisément, on me trompe deux fois. Vous l'aimiez, aimez-le, je lui cède mes droits. Puisque vous me pouvez accepter sans parjure mon âme, se peut-il que votre rigueur dure? Suis-je plus Alidore? Vos feux sont-ils éteints? Et quand mon amour croît, produit-il vos dédains? Voulez-vous... Déloyal, cesse de me poursuivre. Si je t'aime jamais, je veux cesser de vivre. Quel espoir mal conçu te rapproche de moi? Aurais-je de l'amour pour qui n'a point de foi? Quoi? Le bannissez-vous parce qu'il vous ressemble? Cette union d'humeur vous doit unir ensemble. Pour ce manque de foi, c'est trop le rejeter. Il ne l'a pratiqué que pour vous imiter. Cessez de reprocher à mon âme troublée la faute où la porta son ardeur aveuglée. Vous seul avez ma foi. Vous seul, à l'avenir, pouvez à votre gré me la faire tenir. Si toutefois, après ce que j'ai pu commettre, vous me pouvez haïr jusqu'à me la remettre. Un cloître désormais bornera mes desseins. C'est là que je prendrai des mouvements plus sains. C'est là que, loin du monde et de sa vaine pompe, je n'aurai qui tromper, non plus que qui me trompe. Mon souci... Tes soucis doivent tourner ailleurs. De grâce, prends pour lui des sentiments meilleurs. Nous leur nuisons, ma sœur. Hors de notre présence, elle se porterait à plus de complaisance. L'amour seul, assez fort pour la persuader, ne veut point d'autres tiers à les raccommoder. Mon amour, ennuyé des yeux de tant de monde, adore la raison où votre avis se fonde. Adieu. Belle Angélique, adieu. C'est justement que votre ravisseur vous cède à votre amant. Je vous eus par dépit. Lui seul, il vous mérite. Ne lui refusez point la part que je lui quitte. Si tu m'aimes, ma sœur, fais-en autant que moi et laisse à tes parents à disposer de toi. Ce sont des jugements imparfaits que les nôtres. Le cloître a ses douceurs, mais le monde en a d'autres, qui, pour avoir un peu moins de solidité, n'accommode que mieux notre instabilité. Je crois qu'un bon dessein dans le cloître te porte, mais un dépit d'amour n'en est pas bien la porte. et l'on court grand hasard d'un cuisant repentir de se voir en prison, sans espoir d'en sortir. N'achèverez-vous point ? J'ai fait et vous vais suivre. Adieu. Par mon exemple, apprends comme il faut vivre et prends pour Alidor un naturel plus doux. Rien ne rompra le coup à quoi je me résous. Je me veux exempter de ce honteux commerce où la déloyauté si pleinement s'exerce. Un cloître est désormais l'objet de mes désirs. L'âme ne goûte point ailleurs de vrais plaisirs. Ma foi qu'avait d'Horace engagé ma franchise. Et je ne vois plus rien, puisqu'il me l'a remise, qui me retienne au monde ou m'arrête en ce lieu. Cherche une autre à trahir. Et pour jamais, adieu. Que par cette retraite, elle me favorise. Alors que mes desseins cèdent à mes amours et qu'il ne saurait plus défendre ma franchise, sa haine et ses refus viennent à leur secours. J'avais beau la trahir, une secrète amorce rallumait dans mon cœur l'amour par la pitié. Mes feux en recevaient une nouvelle force et toujours leur ardeur en croissait de moitié. Ce que cherchait par là mon âme peu rusée, de contraires moyens me l'ont fait obtenir. Je suis libre à présent qu'elle est désabusée et je ne l'abusais que pour le devenir. Impuissant ennemi de mon indifférence, je brave, vain amour, ton débile pouvoir. Ta force ne venait que de mon espérance et c'est ce qu'aujourd'hui m'ôte son désespoir. Je cesse d'espérer et commence de vivre. Je vis dorénavant puisque je vis à moi et quelques doux assauts qu'un autre objet me livre, c'est de moi seulement que je prendrai la loi. Beauté, ne pensez point à réveiller ma flamme. Vos regards ne sauraient asservir ma raison, et ce sera beaucoup emporté sur mon âme s'ils me font curieux d'apprendre votre nom. Nous feindrons toutefois, pour nous donner carrière, et pour mieux déguiser, nous en prendrons un peu, mais nous saurons toujours rebousser en arrière, et quand il nous plaira, nous retirer du jeu. Cependant, Angélique, enfermant dans un cloître ses yeux dont nous craignions la fatale clarté, les murs qui garderont ces tyrans de paraître serviront de remparts à notre liberté. Je suis hors du péril qu'après son mariage, le bonheur d'un jalouse augmente mon ennui et ne serai jamais sujette à cette rage qui naît de voir son bien entre les mains d'autrui. Ravi qu'aucun n'en ait ce que j'ai pu prétendre, puisqu'elle dit au monde un éternel adieu, comme je la donnais sans regret à Cléandre, je verrai sans regret qu'elle se donne adieu. C'était la place royale de Corneille, avec Anne Consigny, Angélique, Marie-Armelle de Guy, Phyllis, Laurent Charpentier, d'Horaste, Éric Génovèse, Cléandre, Philippe Demarle, Alidor, Bertrand Soares-Passos, Polymas, Éric Petitjean, Lysis, Pascal Bécard, Licante et Alicienne Schmitz. Bruitage, Sophie Byzance. Musique de Marc-Olivier Dupin. Mise en scène, Brigitte Jacques Wajman. Équipe technique, Jean-Michel Coqui, Mathieu Leroux, Élise Leu, Stéphane Desmonts. Équipe éclairagiste, Éric Paringo, Joël Mazot. Assistante de réalisation, Véronique Samouiloff. Cette émission en direct et en public du studio 106 a été réalisée par Jean Couturier. Toujours en direct et en public du studio 106. Toujours en public et en direct du studio 106 de la Maison de la Radio. Voilà, nous allons terminer cet après-midi avant la rediffusion tout à l'heure d'Une vie, une œuvre, dans laquelle nous allons d'ailleurs entendre Brigitte Jacques et François Regnault, qui avaient donc parlé de Corneille en 1996. Donc voilà, nous vous retrouvons une dizaine d'années plus tard, toujours auprès de Corneille. Et il y avait cette petite phrase de François Regnault de Corneille à propos de la place royale. Le héros de cette comédie, finalement, ne traite pas bien les dames. Oui, c'est ce qui est surprenant, parce que d'habitude, dans un grand nombre de comédies de lui, dans un grand nombre de comédies de Molière, dans un grand nombre de comédies de l'époque, un amoureux traite bien les dames, un amant traite bien les dames, et il est payé de retour ou il n'est pas payé de retour, mais enfin, en général, tout de même, l'amour triomphe. Alors, là aussi, l'amour triomphe, puisqu'il n'est le sujet qu'à l'amour, il ne parle que d'amour, mais en même temps, on l'entend à plusieurs reprises dans la pièce, comme on vient de l'entendre, avec une grande émotion d'ailleurs, il se traite lui-même à certains moments de perfide, d'insensé, d'inhumain, et il mesure à quel point, quelquefois, il va loin tout de même dans la cruauté. Mais ça, c'est tout de même tout à fait frappant. Et à la fin, le triomphe de la liberté est tout de même quelque chose qui nous laisse sans voix. Enfin, je veux dire, on a beaucoup ergoté pour savoir s'il va devenir un héros cornélien ou pas. Je ne sais pas ce que c'est qu'un héros cornélien, ça n'existe pas, mais enfin, on en parle beaucoup. Mais comment va-t-il traiter les femmes? Alors, il dit qu'il va les faire défiler et qu'il oubliera même leur nom. Alors, on peut s'orienter en disant, bon, mais c'est Don Juan, ça, c'est déjà l'annonce du Don Juan. Mais on n'en est pas sûr, je veux dire, on ne sait jamais ce qui se passe après le baisser du rideau, même quand il n'y a pas de rideau. Donc, que fera-t-il? Alors, est-ce qu'il deviendra cruel, méchant, sadique, ou au contraire, est-ce qu'il retombera immédiatement amoureux de la première femme qu'il verra? Étant donné qu'on croit bien, là, on la croit tout de même, qu'Angélique ne va pas sortir du couvent. Et ce sont ces derniers mots de la pièce, avec ce projet d'être, ce que vous disiez, libre, et devenir libre, finalement. Brigitte Jacques, comment vous réécoutiez aujourd'hui cette place royale? J'étais absolument frappée par la dimension cruelle, de nouveau, de la pièce, et la dimension, une sorte de jouissance théâtrale, enfin, du pur théâtre de l'amour, comme ça. Et en même temps, en effet, cette recherche de liberté, de la liberté, me paraissent tellement vaines, tellement folles, tellement absurdes, et en même temps tellement, je ne sais pas comment dire, humaine et juste. Enfin, ce que j'adore dans ce personnage, c'est qu'il est complètement schizophrénique et qu'il est absolument traversé par des désirs contraires. Et en même temps, la force dans la pièce, c'est aussi que par des chemins très détournés, comme il le dit lui-même, il ne comprend même pas par quoi il est passé, mais à un moment donné, il a rejoint quand même son désir premier qui était de s'arracher à cet amour. Et on sent malgré tout... J'ai toujours été frappée par un vers qu'il y a dedans. À un moment donné, il dit que ne peut l'artifice et le phare du langage. Et il me semblait entendre derrière Corneille, c'est-à-dire comment recréer le monde à travers l'artifice de la langue, c'est-à-dire à travers le théâtre d'une certaine manière, et retrouver une maîtrise à travers cela. Il y a probablement une recherche de ce côté-là, mais en même temps une sorte de souffrance. Et il se met dans un état de souffrance très très grand en même temps qu'il cause de la souffrance. Donc là, il y a une dimension qu'on va retrouver dans beaucoup de pièces de Corneille, probablement une dimension un peu, je sais pas, sadomasochiste. Enfin, il sait jouer de ça, Corneille. François Regnault, on parlait au tout début, juste avant l'enregistrement de la Place Royale, de ces entretiens avec Pierre Corneille que vous allez pouvoir interpréter pour nous l'année prochaine, en 2007. Et si vous pouviez nous dire un petit mot, parce que finalement, dans ces entretiens, c'est le Corneille théoricien, philosophe, et quand on les lit, il y a quand même ce qui m'avait étonné, surtout, c'est le... Par exemple, quand il dit le but de la poésie dramatique est de plaire, l'implication vis-à-vis du public. Oui, mais Brigitte le disait tout à l'heure, c'est une théorie qui est issue de la pratique, parce que c'est... Il faut voir tout de même qu'il a commencé par écrire une comédie qui a beaucoup eu du succès à Rouen et que Mélite, et que c'est un jeune homme qui a découvert le théâtre comme auteur, comme homme de théâtre, et ensuite toute sa vie, ça a été la fréquentation des théâtres et des acteurs et des actrices et des succès, etc. Enfin, pas toute sa vie, parce qu'il y a des moments où ça marche un petit peu moins bien et à la fin, il est un petit peu passé de mode. Et en face de lui, il y a des emmerdeurs, enfin des critiques ou des gens qui lui en veulent, ou des rivaux, ou des gens qui prétendent mieux savoir que lui. Et alors il y a toujours un moment où il dit, eh bien, puisque vous m'envoyez à la tête Aristote, puisque vous prétendez mieux savoir que moi tout ce qu'il faut faire dans le théâtre depuis les Grecs, je vais vous montrer que non, et qu'en réalité j'entends mieux Aristote que vous, qu'il n'a pas dit absolument tout ce qu'il fallait dire sur le théâtre, qu'on peut dire autre chose aujourd'hui, qu'il y a une modernité du théâtre qu'il n'a pas connue, qu'on n'est pas forcé de suivre indéfiniment les modèles, que les modèles, il faut les expliquer et le reprendre à son gré, qu'il ne faut pas se laisser intimider par les anciens, au sens où Brecht dit qu'il ne faut pas se laisser intimider par les classiques. Et alors, ce qui est tout à fait étonnant et qui est tout à fait alidorien dans ses discours, c'est qu'à la fin, il dit « Tous les exemples que j'ai donnés pour vous montrer ce qu'on pouvait faire, je ne les ai pris que chez moi. » Donc, comme ça, les autres peuvent faire d'autres méthodes, ça m'est complètement égal, chacun a la sienne, mais moi, je suis la mienne. Et comme ça, en même temps, je ne critique personne, je ne loue personne. Alors, ça lui dépense d'avoir des ennemis en critiquant les uns. Mais ça le dispense aussi d'être jaloux en louant les autres. Et à la fin, il pourrait répondre exactement comme Médée répond à sa suivante quand elle lui dit « Mais enfin, dans un si grand péril, que vous reste-t-il ? Moi seul, et c'est assez. » Il y a quelque chose comme ça chez lui. Sauf que tout de même, ça n'est pas le délire de la présomption chez lui, il y a cet aspect, mais c'est aussi une intelligence absolument extraordinaire des effets du théâtre, et comme vous le dites, du principe de plaisir qui doit régner sur le théâtre, pour lui, depuis toujours et pour toujours. C'est comme ça qu'il envisage le théâtre. Vous disiez tout à l'heure qu'il était très jeune, et effectivement, il avait 28 ans quand il a écrit la Place Royale. Est-ce qu'on peut dire que de cette manière, il a amené une sorte de renouvellement de l'art théâtral Le renouvellement commence tout de suite, parce qu'il met sur la... Et il le dit lui-même, il s'en vante, mais à bon droit, c'est qu'il fait entendre ce qu'il a appelé la conversation des honnêtes gens. Alors, la conversation des honnêtes gens, ça ne veut pas dire ce qu'on dit partout, ou la façon dont on parle en n'importe quel lieu, mais ça veut dire qu'il commence sous le règne de Louis XIII, enfin, c'est la fin du règne de Louis XIII, ou plutôt le cours du règne de Louis XIII, il y a une jeunesse qui commence à être libre, qui commence à s'intéresser à l'amour, pour qui la vertu est une grande chose, mais elle ne règne pas tout, les plaisirs de l'amour sont grands, et la vertu, et la morale, on commence à se débarrasser aussi des pères, enfin, beaucoup plus que chez Molière, c'est tout à fait étonnant de voir à quel point les jeunes gens de cette génération-là L'avis des parents, vous avez entendu Phyllis, comme elle le dit, c'est par gentillesse qu'elle le fait, mais si jamais elle avait ses parents trop contre elle, j'imagine qu'elle se rebellerait. Après, on a alors la querelle beaucoup plus sociale, si on veut, chez Molière, des parents abusifs. Mais là, pas du tout. Et ce qu'il arrive à faire, évidemment, en se servant de l'Alexandrin, qui pour lui est un instrument d'une aisance absolument extraordinaire, c'est à exprimer tous les sentiments de l'amour, les plus compliqués, les plus difficiles, les plus retors, les plus libres et les plus audacieux, et de le faire dire à une jeunesse dont il a le sentiment qu'elle va se reconnaître certainement dans ces personnages-là, parce qu'elle a le même âge, ça c'est sûr. Et la place royale, il faut voir que ça veut dire l'endroit où la jeunesse se rencontre et parle d'amour. Parler d'amour est quelque chose qui lui est tout à fait essentiel. Et si on devait se tirer une leçon, là je vais me faire le moraliste, mais ce qu'on devrait demander aux gens, indépendamment de faire l'amour si c'est possible, c'est aussi d'en parler, voilà. Il dit aussi qu'il fait de la prose rimée, c'est ça, quand vous disiez qu'il y avait cette liberté vis-à-vis de l'Alexandrin. Oui, c'est l'émotion d'ailleurs aujourd'hui d'entendre des voix si jeunes avec cette prose. Oui, je dirais non seulement des voix si jeunes, mais une telle maîtrise de l'Alexandrin. Parce que ça veut bien dire qu'on peut se servir de l'Alexandrin, c'est ce qui me frappait là, comme un instrument de musique, mais comme un instrument de musique qu'on a en soi. C'est comme quelqu'un qui jouerait mal sur un mauvais piano ou sur un mauvais violon, on lui donne tout d'un coup un Stradivarius, où en réalité, il fait du vers alexandrin son propre Stradivarius. Et alors ensuite, on ne s'occupe plus du vers. Je veux dire, ça c'est un... Vous savez, les Corneille et Racine parlent très peu du vers. C'est seulement parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus comment les dire, qu'on est emmerdé par le vers et qu'on dit « Oh là là, c'est très difficile ». Vous avez entendu là qu'on peut se servir du vers absolument comme d'un instrument à sa disposition, comme un musicien s'en sert. Et entendre ce qui nous est dit, finalement. Complètement. Brigitte Jacques, peut-être un dernier mot pour clore cette partie de la journée Corneille, l'après-midi, cet après-midi dédié à la Place Royale. Oui, moi, je pense que c'est pas ailleurs. Outre le fait que c'est une des plus belles comédies de Corneille, c'est en soi-même une pièce que je trouve un chef-d'œuvre, enfin. Et elle pose une grande énigme, quand même. Elle pose l'énigme même du rapport amoureux encore et toujours aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle a traversé le temps complètement. Et ce que j'avais adoré, je l'avais monté donc plutôt dans les années 60 en m'inspirant beaucoup de Romère ou de Godard ou même de Truffaut, c'est-à-dire en fait c'était une jeunesse qui à la fois pensait et faisait l'amour. Enfin, il y a une sorte de philosophie, de réflexion sur ce que c'est et la difficulté que c'est que le rapport amoureux, et en même temps un vrai jeu avec ça. Et ça, j'aime beaucoup. Brigitte Jacques, je vous remercie. François Rugnaud aussi. Je remercie évidemment tous les acteurs, toute l'équipe technique, le réalisateur Jean Couturier, et puis le public qui nous a accompagnés cet après-midi. Je vous rappelle que un cycle dédié à Corneille, sera diffusé en février 2007 avec la lecture de Suréna, proposée aussi par Brigitte Jacques, mais aussi d'autres pièces de Corneille, et aussi des tragédies, pas seulement des comédies.